décembre 1961, le gouvernement français décide de créer le Centre National d'Études Spatiales qui sera créé effectivement le 1er mars 1962. La légende raconte que la décision fut vite prise. Le général de Gaulle demanda si ça coûterait cher. On lui répondit non mon général. Le CNES était né. 60 ans après, comment se porte l'agence spatiale française? Bien, si on en juge par le lancement parfait, presque à date anniversaire, de la fusée Ariane 5 et du James Webb Space Telescope. Mais le secteur est en pleine mutation. Quelle place pour le CNES à l'ère du New Space? De 62 à 2022, nous retraçons 60 ans d'aventure spatiale. CNES, 60 ans d'ambition spatiale, c'est le programme anniversaire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour retracer cette aventure, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Baptiste, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du CNES, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et Jacques Arnaud, bonjour. Bonjour. Merci également, vous êtes historien des sciences chargé des questions éthiques au CNES et co-auteur de « À la conquête du cosmos, 60 ans d'aventure spatiale française ». C'est édité chez Flammarion. Mais on commence par les dernières nouvelles du cosmos et de la galaxie scientifique dans son ensemble. C'est le Journal des sciences avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et selon une étude parue hier dans la revue PNAS, il est possible de prédire les mutations d'un virus et notamment celle du SARS-CoV-2. Oui, au tout début de la pandémie, une équipe française s'est demandé s'il était possible de prévoir les mutations qui pourraient émerger et qui donneraient naissance à des variants, et ce, avec très peu de données disponibles. Très vite, en décembre 2019, on a eu un premier génome du SARS-CoV-2. Et avec cette seule séquence génomique, avec cette seule information, les chercheurs montrent que l'on peut déjà faire des prédictions. Et dans leur modélisation statistique, on voit une corrélation entre ce qu'on observe aujourd'hui et ce que les chercheurs avaient prédit. L'intérêt de cette nouvelle méthode, c'est qu'elle peut être applicable à d'autres virus, si on se retrouve face à un nouveau pathogène viral, et qu'elle est un outil pour guider la recherche thérapeutique à trouver des cibles plus robustes, sans risque d'échappement immunitaire. Martin Veit est chercheur et professeur de bioinformatique à Sorbonne Université. Il a dirigé cette étude. Donc, on a pris ce premier génome qui était disponible, et on a fait des analyses d'apprentissage statistique, on l'appelle, qui à la fin font une comparaison de ce coronavirus avec d'autres coronavirus. Évidemment, c'est un peu plus compliqué dans le détail, mais l'idée est si dans toute l'évolution de tous les coronavirus qui existent, on n'a jamais observé une chose, elle va probablement aussi pas se passer maintenant dans ce coronavirus de notre pandémie, là. Au contraire, si on voit une chose à se répéter régulièrement, c'est plus probable qu'elle va être possible aussi dans ce coronavirus. Donc le coronavirus, c'est un génome de 30 000 nucléotides à peu près, qui codent presque tous pour des protéines. Et pour chaque protéine, donc les protéines sont après des séquences d'acides aminés, et pour chaque position ici dans les protéines, on peut prédire si, selon nos modèles, cette position peut être mutable ou pas. Donc, comme vous savez, les variants, ils sont définis par des mutations, en particulier dans la protéine spike. Et on peut un peu prédire si, dans des positions, il y a des mutations possibles. Et après, c'est ce qu'on a prédit au cours de l'évolution de la pandémie et de l'émergence de variants. On a pu comparer avec les observations et on a vu que effectivement, les prédictions ont du valeur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut, si on veut faire un nouveau vaccin ou si on veut développer des traitements avec des anticorps, par exemple, on pourrait se concentrer sur des parties du génome qui sont à cibler par le système immunitaire, donc qui auront la tâche finale d'avoir un vaccin ou un traitement possible, mais qui sont plutôt invariables, donc qui n'ont plutôt pas la tendance d'accumuler des mutations. Si cette partie du génome ou des protéines ne peut pas muter, le virus ne va pas avoir la possibilité d'échapper au système immunitaire. ça peut un peu guider les choix des cibles. Voilà, vous pouvez retrouver cette étude en détail, ainsi que toutes les autres dont il sera question tout au long de cette heure et dans le Journal des Sciences sur notre fil Twitter. Comme chaque jour, vous le connaissez maintenant, c'est @laméthodefc. Et on passe au bref. Archer 2 pour Advanced Research Computing High-End Resource. Archer 2 est donc en marche, Natacha. Archer 2, c'est le supercalculateur anglais installé à l'Université d'Édimbourg, l'une des machines les plus puissantes, qui est à la 22e place du classement mondial des superordinateurs. Financé par le gouvernement britannique, il a été mis en tension fin novembre, il est toujours en phase de test, mais il fonctionne déjà pour des modélisations météorologiques et climatiques. Il est 5 fois plus rapide que son prédécesseur, le supercalculateur Archer, et le gouvernement britannique planche déjà sur la succession d'Archer 2 avec la nouvelle génération de supercalculateurs, 50 fois plus puissant d'ici 2025. Une étude parue dans la revue Science décrit la découverte de micro-organismes capables de produire de l'oxygène même dans l'obscurité. On sait que l'oxygène est crucial pour le métabolisme de nombreuses espèces. Une équipe danoise a fait la découverte des facultés inattendues des Nyctosopimilus maritimus, des micro-organismes de la famille des archées de 200 nanomètres et qui sont très répandus dans les fonds marins, même dans des zones où il n'y a pas de lumière ni d'oxygène. Dans des expériences en laboratoire, les chercheurs montrent que ces organismes, lorsqu'ils sont placés dans des conditions anoxiques, peuvent régénérer de petites quantités d'oxygène dans un processus biologique inconnu jusqu'alors. Prochaine étape, étudier ce phénomène in situ. Et selon une étude parue dans la revue Nature, des bactéries résistantes aux médicaments ont évolué sur les hérissons. Oui, et bien avant l'utilisation massive des antibiotiques. Une équipe internationale a fait des prélèvements sur 276 hérissons provenant d'un peu partout dans le monde. Il se trouve que 60% de ces petits mammifères à pic sont porteurs de staphylocoques résistants. Comme par exemple les staphylocoques dorés qui résistent au traitement et à la méticilline. En remontant leur arbre phylogénétique, les chercheurs ont découvert que ces superbactéries ont évolué il y a 200 ans pour survivre sur la peau des hérissons, sur laquelle cohabite un champignon qui sécrète naturellement de la méticilline. Voici un exemple de la guerre évolutive et de l'adaptation des bactéries pour leur survie. Et une fois n'est pas coutume, je vais rajouter une brève à ce journal, Natacha, puisque nous avons eu, vous le savez peut-être, les chiffres d'audience de Médiamétrie et vous êtes de plus en plus nombreuses et de plus en plus nombreux à écouter la méthode scientifique, 204 000 auditrices et auditeurs quotidiens en moyenne. Donc encore une fois, merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous pendant cette dernière vague novembre-décembre où c'était mon camarade Antoine Beauchamp qui était au micro. Nous sommes vraiment très honoré, très fier, et puis on va essayer de continuer et de vous rassembler de plus en plus pour écouter chaque jour l'actualité de toutes les sciences dans la méthode scientifique. Merci à toutes et à tous. Saviez-vous que la toute première fusée française qui fit son premier vol en 1951 avait été baptisée Véronique ? Et que la première base de lancement en Algérie à Amaguir avait, elle, été nommée Brigitte. C'est donc sur une inspiration qu'on qualifiera de plutôt féminine que furent posés il y a 60 ans les premiers jalons du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, créé en 1961 par le général de Gaulle et son gouvernement. Troisième agence spatiale mondiale, après celle des États-Unis et de la Russie. Et en 60 ans, la France a toujours gardé une place à part, une place importante dans la course à l'espace, comme en atteste le succès tout récent, le succès quasiment anniversaire du lancement du James Webb Space Telescope par Ariane 5, c'était le 25 décembre dernier. Lancement tellement réussi que la mission du télescope est d'ores et déjà prolongée de 5 ans, le double de sa mission nominale grâce aux économies de carburant réalisées dans ce lancement par Ariane 5. Retour donc au 19 décembre 1961, ce fameux conseil des ministres qui voit le général de Gaulle approuver la création du CNES. Jacques Arnoux, je me retourne vers vous. Est-ce que c'est vrai cette anecdote, cette légende sur le fait qu'il a demandé si c'était cher et si c'est ça qui avait emporté la création de l'agence spatiale? En tout cas, la légende a été largement diffusée et répétée. Évidemment, ça nous fait sourire aujourd'hui quand on voit ce quoi correspond un budget d'un programme spatial. Mais c'était évidemment toujours une question de comparaison. C'est-à-dire que par rapport à l'enjeu, et l'enjeu était extrêmement important, parce que la question qui a précédé celle du général de Gaulle quant aux finances, c'était l'enjeu de l'indépendance de notre pays par rapport à d'autres pays, en l'occurrence les États-Unis. Est-ce que nous avons besoin d'eux ou pas pour lancer nos satellites? Et au regard de ce premier enjeu ou de cette première question, la seconde question était peut-être plus simple en termes de réponse. Philippe Baptiste, un mot sur cette création du CNES et sur cette volonté et peut-être ce lien dans l'histoire française, lié à l'histoire française de l'aéronautique, de l'espace. Il y a une tradition, hein, la montgolfière, l'avion. Il y a une sorte de logique qui s'est enclenchée dans la création du CNES. Oui, et puis comme ça a été rappelé, je crois qu'il y a aussi véritablement un souci, des enjeux qui sont des enjeux de nature vraiment stratégique, géostratégique et politique d'affirmation de l'indépendance. Alors toute gaulienne évidemment, mais qui résonne encore aujourd'hui très fortement. Indépendance nationale, certes, mais surtout indépendance européenne. Et aujourd'hui, un des enjeux majeurs du spatial, c'est justement cette indépendance et c'est le rôle de l'Europe dans son ensemble. Bien entendu, avec la France qui joue un rôle tout particulier, mais enfin c'est le rôle de l'Europe aujourd'hui dans l'aventure spatiale. Quelle est notre place? Quelle est notre ambition? Et c'est bien ça l'enjeu politique du moment. Et on va voir que dès le départ, hein, le CNES est très orienté vers la collaboration et la coopération. Avant, on va remonter encore un peu la frise chronologique avant 1961, avant la création du CNES, Jacques Arnoux, remettre peut-être un petit peu de contexte. Comment la France se lance-t-elle, puisqu'il y a eu la guerre, on sort de la guerre, pourquoi et quelles sont les ambitions spatiales de la France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale? Mais déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des tentatives, enfin des essais au niveau des ingénieurs, parce qu'au départ, nous sommes dans des techniques, on parle d'astronautique. Et dans le monde entier, évidemment, on connaît les grands, le père de l'astronautique russe, Konstantin Tchaïkovski, il y a également l'américain Robert Goddard, mais il y a aussi un français, Robert Esnopeltri. Donc il y a toute une communauté d'ingénieurs qui vraiment ont pour but, en termes de technique, d'aboutir à ce vol dans le vide. Il a fallu d'abord démontrer qu'on pouvait voler dans le vide. Et c'est ça, un des enjeux. Et puis, vous connaissez bien ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la première application de ces techniques dans le monde militaire. Et nous savons tous que nous ne le voulions pas, les temps de conflit sont des moments où l'innovation est particulièrement importante, avec des pressions énormes. Ça a été le cas pendant la Première Guerre mondiale. Vous évoquiez tout à l'heure l'aéronautique. Bien sûr, c'était le cas. C'est encore le cas durant la Seconde Guerre mondiale, avec l'apparition de l'astronautique. C'est évidemment le célèbre von Braun. Et puis, cette récupération, on peut utiliser ce terme-là, des ingénieurs allemands, juste à la fin du conflit, aussi bien par les Russes, pardon, par les Soviétiques, déjà, par les Américains et par les Français. Et par les Français. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a donc eu... Dans cette montée en puissance que vous mentionnez après la guerre, il y a eu cet apport de la part des ingénieurs allemands ou des techniciens allemands que les forces françaises avaient pu récupérer, excusez-moi du terme, et mettre au service, cette fois-ci, de l'État français. Et qui travaillaient, qui s'installent d'ailleurs à Vernon à ce moment-là. Voilà, Véronique, ça vient de Vernon, en fait. C'est ça, d'accord. Vernon, où se situe le laboratoire de recherche balistique et aérodynamique, qui va être un peu l'ancêtre du CNES en quelque sorte. Absolument. Le CNES, en fait, plusieurs ancêtres. Il y a tous les laboratoires de recherche et puis également les lieux où on réfléchit à la politique spatiale. Et le CNES n'est que l'aboutissement ou la convergence de tous ces premiers ancêtres spatiaux français. Philippe Baptiste, sur cette position de la France au sortir de la Deuxième Guerre, il va se passer donc une quinzaine d'années avant la fondation du CNES. Et avec ses premières ambitions et ses premières tentatives, on a récupéré les plans, à peu près comme tout le monde, du V2 allemand. Et on commence à essayer avec cette Véronique à atteindre les couches les plus élevées de l'atmosphère, étape par étape, à créer les premiers moteurs. Alors, on est vraiment donc à un moment où on concentre les efforts évidemment sur le lanceur, puisque bien entendu, n'ayant pas de lanceur à ce moment-là, c'est difficile de concentrer ses efforts sur autre chose. Mais évidemment, c'est un enjeu absolument clé et ça reste aujourd'hui, si je dois faire toujours ce parallèle avec entre le passé et le présent, ça reste encore aujourd'hui un enjeu absolument majeur. C'est la question de l'accès à l'espace. C'est-à-dire que vous avez besoin, à un moment donné, si vous voulez utiliser justement l'espace dans toutes ses possibilités scientifiques, économiques, de défense, etc., vous avez besoin d'un accès à l'espace. Et ça, c'est ce qu'a compris très vite la France, et puis après, où il y a eu un mouvement d'adhésion en Europe, c'est cette question indispensable de l'accès à l'espace. Donc il nous faut des lanceurs, pour ça il nous faut des moteurs, évidemment, il nous faut des lanceurs, et il faut qu'on soit capable de le faire de manière indépendante par rapport aux autres grandes puissances, puisqu'on a connu hein, au cours de l'histoire des moments où justement les autres puissances capables de lancer ne voulaient pas le faire, et ce qui a été un accélérateur formidable pour le développement justement de nos propres lanceurs, puisque le politique à ce moment-là a compris justement toute l'importance du spatial et toute l'importance des lanceurs. Alors, vous avez évoqué, Jacques Anou, Robert Esnault-Peltry, Jean-Jacques Barré aussi, je vous laisse expliquer. Mais je vous avoue que je ne connais pas la vie de chacun de ces... Sûr. Mais ce que nous savons, et comme vous le rappelez à l'instant, c'est que ce n'est certainement pas le fait d'un personnage, ce n'est pas non plus le fait du hasard, si je puis me permettre. Ce sont des générations et des communautés d'ingénieurs, parce que, comme Philippe Batty vient de le rappeler, c'est pas une seule technologie. Et le spatial, par définition, est une convergence complexe de nombreuses technologies. Et il faut qu'à un moment donné, et c'est là l'intuition du général de Gaulle, la décision de dire, à un moment donné, il faut que toutes ces compétences qui sont un peu éparpillées en fonction des passions des uns et des autres, et puis des histoires des uns et des autres, eh bien se concentrent par rapport à un objectif, et c'est celui que nous venons de rappeler, c'était de donner à la France l'indépendance quant à l'accès à l'espace. En vous écoutant, je pensais... pour les Français et aussi la philosophie française, n'oublions pas ce cachot dont parlait Pascal dans lequel nous sommes enfermés. Et sortir de ce cachot, ce n'est pas seulement sortir dans l'esprit, mais ça demande à la fois un génie technique et puis une puissance, parce que nous sommes franchement enfermés. Hein, ce qu'on appelle le puits gravitationnel, le fait que nous sommes attachés à cette planète, c'est quelque chose dont nous ne sortons pas facilement. Et d'où à la fois la difficulté technique pour sortir de ce puits, accéder à l'espace, et puis défendre cet accès-là. Après, il n'y a pas que la technique, il y a aussi la politique, la géopolitique, le droit, et c'est toute une histoire qui se crée. Et en même temps, Pascal, alors je cite de mémoire, hein, mais l'immensité de ces espaces infinis m'effraie. Voilà. Après, il y a l'autre versant, bien sûr. Mais le cachot ne doit pas être oublié. Tout à fait. Alors, un autre nom essentiel, celui de Jacques Blamont, qui était astrophysicien, qui va devenir le premier directeur scientifique du CNES. Je vous propose de l'écouter, de devoir trouver cette archive, justement, à propos de ces tout début du CNES, du satellite Astérix. Vous allez voir, vraiment, il fallait tout apprendre et tout faire depuis le début. Chaque jour, nous avions à créer notre propre activité. On était en terrain entièrement inconnu. On ne savait pas ce que c'était que l'espace, on ne savait pas ce que c'était qu'un satellite, on ne savait pas ce que c'était qu'un lanceur. Ou à la création du CNES, il y avait deux techniciens, mais c'est tout. Et là, en matière de construction de fusées, s'engager 10 ou 20 techniques nouvelles à défricher entièrement. Il fallait faire vibrer aux limites de leur résistance tous les composants mécaniques ou électroniques. Vous voyez là Astérix sur une table de vibration. Et l'écoulement de l'air autour des corps de fusée. Ça, ce sont des essais en soufflerie. Les ingénieurs de la CEREB ont parfaitement compris qu'il n'y avait pas que la propulsion, il y avait le guidage, il y avait toute l'aérodynamique, la dynamique du vol. L'espace repose sur l'électronique. L'espace, c'est les transistors. Sans les transistors, ça n'aurait peut-être pas eu lieu. Voilà, Jacques Blamont, dans un documentaire sur les débuts de l'aventure spatiale française. Jacques Blamont, qui nous a quittés il y a presque 2 ans maintenant. Une réaction peut-être, Jacques Arnoux, à cette archive. On entend hein, 2 personnes, on a l'impression que c'est fait sur un coin de table, dans un garage au début. D'abord, je vous avoue que c'est émouvant de réécouter la voix de Jacques Blamont, profondément. Et ensuite, un petit clin d'œil. Un jour, Jacques Blamont m'a donné un article qu'il avait publié qui s'appelait « Si j'étais de Gaulle ». C'est vous dire que voilà, nous sommes vraiment dans un contexte très particulier et avec des personnages comme celui que nous venons d'entendre, dans un contexte effectivement où d'un côté on construisait des fusées quasiment sur un coin de cuisine et le premier CNES était dans des chambres d'hôtel. Et c'était voilà, tout ça était avec une taille extrêmement réduite. Mais une ambition, et quand nous écoutions Jacques Blamont nous raconter ces histoires-là, une ambition énorme, et là, je dirais, il n'avait peur de rien. Et en même temps, c'est quand on parle de taille réduite, c'était peut-être la taille du CNES, la taille des ateliers, tout à fait au début, mais en même temps, tout de suite chez lui, d'aller voir ailleurs ce qui se fait. Hein. Jacques Blamont nous a envoyé à l'extérieur. Philippe Baptiste. Ce qui est fascinant aussi quand on regarde ce moment de l'histoire, c'est justement un moment où on part avec finalement relativement peu de connaissances techniques sur ce qu'est un lanceur, sur les questions de mécanique de vol, etc. Et donc finalement tout est à inventer, tout est à faire. Mmh. c'est très peu de gens finalement qui sont passionnés, enfin comme aujourd'hui, mais qui sont dans des conditions de vie qui sont pas faciles, qui réinventent tout. Et finalement, sans beaucoup d'industrie autour. C'est-à-dire que tout se fait finalement directement par cette petite équipe qui est là. Et c'est ça qui fondamentalement a changé. C'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, au cours de ces 60 années, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu une industrie du spatial se construire énormément, enfin beaucoup, hein, grâce au CNES et grâce aux efforts du CNES et de tout ce qui a diffusé, et ça s'est construit autour, et donc notre rôle fondamentalement a aussi diamétralement changé. Mais je pense qu'on aura l'occasion, bien sûr, l'occasion d'en reparler. On va voilà, naviguer dans cette frise chronologique jusqu'au présent. Peut-être un mot, parce qu'on parle donc de la création du CNES. Encore une fois, avant le CNES, je le disais tout à l'heure, il y a le LRBA, le Laboratoire de Recherche Balistique et Aérodynamique à Vernon, d'où sont effectués des tirs d'ailleurs. Oui. Car nous, il y a avant, alors, et puis ensuite, il y a la fameuse base du Sahara, la base d'Algérie. Rapidement, c'est à Maguire, c'est la grande aventure de Maguire. Et bon, une fois encore, Jacques Blamont était un témoin de ce qui s'y passait, puis d'autres anciens collègues qui nous racontent encore ces moments-là qui étaient évidemment d'un autre monde, j'allais dire. C'était il y a à peine plus de 60 ans et en même temps, le contexte de la décolonisation, donc tous ces contextes-là qui aussi vont marquer l'histoire du spatial. Pas nécessairement au niveau du technique, mais au niveau de la politique et également la manière d'aborder ce nouveau territoire qu'est l'espace. Il faut quand même pas oublier qu'on est en train de franchir une frontière et d'entrer, et les Français en font donc partie, des premiers explorateurs d'un monde totalement inconnu. Mmh. Et dans la manière de l'aborder, je pense qu'il y a l'influence aussi de ces mondes que nous sommes en train de quitter. Dans le cas de la France, c'est l'Algérie. Et donc, c'est toutes ces choses qu'il faut gérer du passé pour entrer dans un nouveau monde. Et ça donne également une certaine épaisseur historique et humaine à ces premières années du CNES. Philippe Baptiste, un mot sur cette première base spatiale française qui va être en service jusqu'en 1957, je crois, hein, c'est ça ? 67, oui, bien sûr, parce que les accords d'Évian, oui. Elle a profondément marqué, évidemment. Enfin, c'est de là qu'on a fait évidemment les premiers tirs. C'est de là qu'on a appris, et c'est ce qui a permis le transfert et la création de Kourou, enfin du centre spatial guyanais qui joue toujours aujourd'hui un rôle absolument clé. Donc elle a profondément marqué l'histoire non seulement du CNES mais de l'histoire spatiale européenne. C'est la première base européenne. Nous allons continuer à raconter cette histoire du CNES, et puis on arrive, puisque là, nous vous racontons la préhistoire du CNES, et nous arrivons à cette fameuse date anniversaire, celle du 19 décembre 1961. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h20 sur France Culture, nous vous racontons l'histoire du CNES à l'occasion de ses 60 ans, puisque je le disais à l'instant, le 19 décembre 1961, la loi numéro 61-1382 institue le Centre National d'Études Spatiales comme organisme scientifique et public de caractère industriel et commercial. Nous en parlons avec le président du CNES, Philippe Baptiste, et Jacques Arnoux, qui est historien des sciences et chargé des questions éthiques au CNES. Jacques Arnoux, cette première année du CNES, effectivement, on l'entendait tout à l'heure dans l'archive et dans la voix de Jacques Blamont, tout est à créer et tout va très très vite. C'est-à-dire que ces premières années, ces premiers mois sont extrêmement fructueux. Sans doute est-ce aussi le fait de tous les organismes vivants. Vous savez bien qu'au début, tout à l'heure, nous avons dans les nouvelles beaucoup de choses sur la biologie. Et, ben, au début, évidemment, une cellule qui se double et qui se quadruple, ça va très très vite. Et je crois que nous, ben, comme un organisme vivant, le CNES naît de pas grand-chose. Quand je dis pas grand-chose, en termes de nombre de personnes, avec cette ambition immense. Et donc les choses vont effectivement aller vite. Et en même temps, assez rapidement aussi, on se rend compte des difficultés. Enfin, ce que disait Jacques Blamont dans cet extrait, c'est-à-dire qu'il faut apprendre dans beaucoup de domaines, et puis tout n'est pas en France, d'où l'envoi d'ingénieurs aux États-Unis, avec ces liens qui continuent à s'enraciner dans ces premières années, et avec tout de même des enjeux quant à l'utilité du spatial, parce que même si nous sommes vraiment au tout début de l'espace, la société découvre tous les avantages que le spatial peut lui apporter. Donc les bribes des satellites météorologiques, de la communication, il faut attendre encore un petit peu pour l'observation de la Terre, mais tout est là en, en, en attente ou en genèse. Donc j'imagine que pour ceux qui ont vécu cette période-là, comme le rappelait tout à l'heure Philippe Baptiste, ça a dû être un moment assez extraordinaire où je dis pas que tout semble possible, mais il y a tellement de portes à franchir que évidemment ça suscite un intérêt et tant mieux parce que une fois encore, nous profitons encore de cette passion et de cet enthousiasme-là. Philippe Baptiste. Très, très vite, hein, juste après la création du CNES, effectivement, il y a une dizaine ou une quinzaine d'ingénieurs qui partent à la NASA. Mmh. Et donc, d'ingénieurs français qui partent à la NASA, qui non seulement apprennent, regardent la manière dont la NASA travaille avec ses partenaires, qui sont en train eux-mêmes de monter en puissance. Et je crois qu'au-delà du fait qu'on a beaucoup appris à ce moment-là, on a tissé un lien qui est extraordinairement fort aujourd'hui. Mmh. Et encore aujourd'hui, hein, alors évidemment, nos premiers partenaires sont partenaires européens, bien entendu, mais enfin, au-delà de ça, dans tous les travaux bilatéraux, notre grand partenaire aujourd'hui, c'est la NASA. L'autre point aussi qui est assez frappant et qui est aussi une grande différence par rapport aux États-Unis, c'est la place, on va le voir tout au long de l'histoire du CNES, c'est la place des questions de défense dans notre histoire spatiale. On a un modèle qui est quand même un petit peu différent de celui des États-Unis. Celui des États-Unis où on a finalement une place extraordinairement forte dès le début, en fait, hein, des militaires dans l'histoire spatiale. Alors que le CNES, en fait, construit son histoire sur une dualité avec un même établissement qui joue, en fait, un rôle dual à la fois pour la défense et à la fois, évidemment, pour le civil, pour la science, pour l'observation de la Terre, etc. Et je le disais tout à l'heure, dès le départ, Jacques Arnoux, la dimension de coopération internationale est quasiment immédiate, hein, parce que il y a un accord cadre qui est signé immédiatement l'année de la création avec la RFA, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et même l'Australie pour la mise au point et la construction de lanceurs spatiaux. Donc il y a vraiment la notion de se dire que l'aventure spatiale dans un monde extrêmement polarisé, elle ne peut être finalement qu'à l'échelle européenne collective ou en tout cas avec d'autres pays et pas chacun dans son coin, quoi. Absolument. Et même au-delà de cette polarité, si je puis dire, en tout cas en évitant le dualisme de l'époque, hein, Ouest-Est, puisque dès 66, à l'occasion d'un voyage officiel du général de Gaulle, encore lui, en Union soviétique, donc il va rendre visite, ou il est invité plutôt à la base de Baïkonour, il est le premier chef d'État occidental à visiter cette base qui jusque-là est extrêmement, enfin restée secrète, avec des faux noms, enfin des fausses localisations, et il est invité. Et c'est aussi l'occasion de lancer une coopération donc franco-soviétique avant de devenir franco-russe dans le domaine spatial qui elle aussi existe depuis donc pas tout à fait 60 ans mais en tout cas depuis quasiment 50 ans et donc cette position française, je crois que dont certains, dont justement, toujours des gens comme Jacques Blamont étaient très fiers parce que c'était pas uniquement avec un partenaire privilégié, mais des partenaires qui, à la même époque, étaient plutôt dans l'opposition et on était en pleine course à la Lune. Pour autant, ça se développe. Et au nom de la science, ce qui est intéressant, c'est que il y a toujours au cœur de ça, et j'aime à le répéter, que la science, la communauté des scientifiques, d'une certaine manière aussi un peu la communauté des ingénieurs, est une communauté qui recherche une forme de collaboration, de coopération internationale. Parce que le but est un peu au-dessus des contraintes politiques. C'est intéressant parce qu'il y a eu un accord qui est conclu dès 63 avec les États-Unis pour le lancement du satellite scientifique FR1. Vous vouliez ajouter quelque chose, Philippe? En fait, je pense que c'est vrai dans le spatial, on le retrouve dans beaucoup d'autres grands champs scientifiques. Hein, dès qu'il y a des grosses manips expérimentales, on a envie de collaborer. C'est quasi obligatoire. Et j'aurais envie de dire, il y a trois raisons pour ça. Il y a des raisons d'ordre diplomatique, enfin ou géostratégique, on les a mentionnés là. Il y a des questions de compétences aujourd'hui, hein, ça veut dire que par exemple quand on vient à un moment donné, je crois qu'on va parler d'altimétrie, quand on vient nous chercher sur de l'altimétrie, pourquoi on vient nous chercher? Bah parce que on est très très bon en altimétrie. Et donc ça veut dire que c'est pour ça que la NASA vient nous chercher pour travailler sur ces projets-là. Et de la même manière, quand on crée une collaboration avec tel ou tel pays, on vient chercher les meilleures compétences. Et puis la dernière raison, c'est une raison qui est bassement matérielle, c'est aussi une question de partage des coûts parce que c'est des projets qui sont quand même très coûteux, qui sont aussi des projets risqués et donc on a envie de partager les coûts et de partager les risques. Bien sûr. Le premier lanceur, ce lanceur issu de la première coopération européenne bien avant la création de l'ESA, ce sera Diamant qui va être finalement un lanceur européen, mais vraiment de l'initiative du CNES, Jacques Arnoux. C'est la lignée des pierres précieuses. Hein. Ouais. Si vous avez l'occasion d'aller visiter ce très beau musée de l'air et de l'espace, vous avez visité évidemment le hall de l'espace dans lequel on a vraiment la chance d'avoir tous ces lanceurs qui sont alignés. Alors évidemment, certains, c'est des fusées-sondes, et puis d'autres, c'est de plus en plus important. Avec une touche, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'aspect militaire, un aspect qui peut peut-être surprendre, voire même choquer certains, c'est que une grande partie de ce hall est occupée par une salle de qui reproduit la salle de lancement, enfin de lancement qui n'a pas été utilisé, mais d'Albion, donc le côté militaire. Alors c'est pas une fausse maquette, c'est ce qui servait pour l'entraînement des troupes. Donc on est dans du vrai, et qui montre aussi le lien. Là on revient encore sur la politique de De Gaulle, enfin la question de l'indépendance nationale et de la compétence, et que ce type de compétence, ben, ça ne s'invente pas. Il faut la posséder soi-même. Mais après, avec, dans un cadre de coopération, on peut petit à petit la partager. Mais c'est évidemment la série des pierres précieuses, de ces fusées, puisque on aimait ces grands noms, avant de passer évidemment à l'étape suivante, où là la dimension européenne, ça sera tout à fait évidente. Un mot peut-être sur ces premiers lanceurs, sur ces premiers satellites qui s'appelaient Astérix, et sur là aussi la capacité du CNES très vite à mettre un certain nombre de satellites en orbite. Oui, c'est allé très tôt, extrêmement vite. C'est allé aussi avec des prises de risque qui étaient considérables. Et finalement, c'est assez étonnant, c'est-à-dire qu'on a vraiment commencé au début en acceptant et en prenant des risques considérables sur tous les projets pour aller très très vite. Et puis après, en fait, finalement, au fur et à mesure, on s'est industrialisé, c'est-à-dire qu'on est devenu de plus en plus adverse au risque, hein, comme toutes les agences spatiales, et donc on est allé sur des programmes de plus en plus serrés, de plus en plus calibrés, et ce qui finalement aujourd'hui repose un petit peu question, puisque dans tout ce qu'on voit aujourd'hui autour du New Space, finalement c'est un petit peu, si je caricature un peu, un retour un peu aux fondamentaux, à cette dimension où on est finalement capable de, ok, on a fait un certain nombre de paris, ça correspond pas, peut-être pas exactement à ce qu'on a voulu faire initialement, mais on va quand même le lancer, on va quand même y aller, on va quand même tester, on verra et on corrigera après. Et finalement c'est vraiment beaucoup ça qu'on a fait au début. On va continuer à explorer cette histoire du CNES et notamment cette histoire européenne. Alors, nous avons fait il y a très peu de temps une émission justement bien pour le lancement du James Webb Space Telescope sur Ariane. Donc, on ne va pas vous refaire l'histoire d'Ariane, mais on est obligé de passer par l'histoire d'Ariane et puis surtout par cette base, ce port spatial que le monde entier nous envie, le port spatial le plus proche de l'équateur, la base de Kourou en Guyane. On vous en parle dans un instant. Thank you. Celestial Blues, remixé par The Avener d'Andy Bay à 16h35 sur France Culture. C'est pas le blues de l'espace, c'est peut-être le blues des 60 ans, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'anniversaire du CNES et nous parlons de l'histoire de l'Agence Spatiale Française en compagnie de Philippe Baptiste, président du CNES, et de Jacques Arnoux, qui est historien des sciences et chargé des questions éthiques au CNES. On va faire un petit crochet par le présent avant de repartir dans l'histoire de cette agence spatiale, puisque on le disait juste avant la coupure musicale, le CNES a très vite envoyé un certain nombre de satellites en orbite et continue évidemment à le faire. Parmi les projets actuels et en cours, la mission SWOT, qui doit recourir à des techniques d'altimétrie dont Philippe Baptiste parlait, qui est une spécialité française pour observer l'évolution du climat de notre planète. Et c'est à cette mission que vous êtes intéressé, Antoine Beauchamp, pour le reportage du jour. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, et c'est avec Pascal Ultré-Guerrard, directrice adjointe des programmes à la direction de la stratégie du CNES, que j'ai parlé de cette mission qui sera lancée fin 2022, la mission SWOT. SWOT, c'est l'acronyme de Surface Water Ocean Topography, en français mission de topographie des eaux de surface et des océans. Pascal Ultré-Guerrard nous rappelle en quoi consiste l'altimétrie, mais aussi quelle est l'histoire de cette pratique au sein du CNES, et elle nous décrit les innovations apportées par la mission SWOT qui vont permettre de fournir des données altimétrique d'une finesse inégalée pour comprendre l'évolution de la répartition de l'eau à la surface de la Terre. Alors l'altimétrie satellitaire, ça consiste à mesurer le niveau des océans, des mers, mais aussi depuis peu des rivières et des lacs, grâce aux satellites. Par un principe très simple, c'est qu'on envoie une onde radar et puis on mesure le temps d'aller et retour de cette onde. Et en connaissant très précisément la position du satellite grâce aux moyens de positionnement qu'on connaît tous, hein, le GPS, on en utilise d'autres sur les satellites un peu plus complexes, eh bien on peut à ce moment-là connaître précisément, très précisément, le niveau des océans, des eaux continentales. Alors le CNES s'est lancé dans l'aventure de l'altimétrie spatiale avec la mission Topex Poséidon, qui a été menée en partenariat avec la NASA et qui a été lancée en 1993. Et donc ça veut dire que depuis 1993, en fait, le CNES, avec ses partenaires, s'est efforcé de poursuivre cette mission de mesure du niveau des océans avec les missions ensuite JASON qui ont succédé. Et maintenant, ces missions d'altimétrie classiques, on pourrait dire, se poursuivent grâce au programme européen Copernicus, hein, puisqu'il y a une composante d'altimétrie spatiale dans ce programme Copernicus de surveillance de l'environnement organisé par l'Europe. Et ça va se poursuivre avec une mission dont on va parler maintenant, c'est la mission SWOT. J'aimerais comprendre un petit peu quelle en a été la genèse de cette mission-là. Alors la mission SWOT, en fait, est venue de la communauté scientifique qui ont voulu pousser le concept de l'altimétrie plus loin en essayant d'avoir une cartographie quasiment trois dimensions de la surface des océans, hein. Donc c'est un partenariat avec la communauté scientifique, hein, comme souvent d'ailleurs dans les missions menées par le CNES, et donc avec un concept d'altimétrie large fauchée. Donc c'est-à-dire, en fait, on a, au lieu d'avoir un simple rayon radar qui descend sous le satellite, eh bien on a un instrument avec une antenne très large qui permet d'avoir une fauchée de 100 km pour faire une mesure en trois dimensions du niveau des océans. Ce qui est intéressant dans cette mission SWOT, c'est justement cette finesse du maillage. Est-ce qu'on peut comparer avec ce qui se faisait avant pour comprendre bien l'évolution et la précision supérieure de SWOT par rapport aux missions précédentes? Alors grâce à SWOT, en fait, on va avoir la possibilité de voir des détails qu'on ne voyait pas avant, c'est-à-dire au niveau des océans, par exemple. On va avoir des structures tourbillonnaires qui font de 10 km à 100 km, qui sont donc des structures avec beaucoup d'énergie au niveau de l'océan et qu'on connaît très mal parce qu'on n'a pas aujourd'hui les outils pour atteindre ces niveaux de précision. On a amélioré d'un facteur 10, en gros, la résolution par rapport à l'altimétrie classique. Et ce qu'on peut faire aussi, qu'on ne pouvait pas faire auparavant, c'est donc étudier cette fois-ci les fleuves et les lacs d'une taille supérieure à 100 mètres. Là encore, c'est intéressant parce que nous allons pouvoir appréhender maintenant ce qu'on appelle l'hydrologie spatiale et apporter des informations aux hydrologues sur le débit des fleuves, les stocks d'eau, bien sûr, au niveau des surfaces continentales. Et donc ça, ce sont des informations dont on ne dispose pas jusque-là. Pour faire tout ça, il faut des instruments, un satellite. Est-ce que vous pourriez me décrire ce satellite qui va être envoyé en 2022 et les instruments qui vont être embarqués ? Alors, SWOT, en fait, c'est une batterie d'instruments, mais l'instrument principal, c'est l'instrument Karine, qui est un instrument donc avec une grande antenne qui permet de faire une fauchée sous le satellite. C'est donc un instrument qui va fonctionner dans ce qu'on appelle la fréquence KA et qui va donc permettre de faire cette mesure 3 dimensions. À cela, on a aussi des instruments qu'on appelle des instruments d'altimétrie classique, NADIR, c'est-à-dire en fait les altimètres Poséidon que développe Thales Alenia Space et qui sont donc des altimètres qui permettent de faire de la mesure, mais uniquement sous la trace du satellite. Donc avec cela, on complète avec des radiomètres pour connaître l'état de l'atmosphère que les signaux traversent. Et puis nous avons également donc un système de positionnement très précis du satellite qui est composé de plusieurs techniques. Donc le GPS qu'on connaît tous très bien, un instrument DORIS qui permet également de faire du positionnement très précis du satellite. Et puis on utilise également du laser pour avoir une meilleure précision sur la position du satellite lui-même. Quand est-ce qu'on va lancer le satellite en 2022 ? À partir de quand on aura des premiers résultats et combien de temps ça va durer surtout ? Alors la mission SWOT va être lancée à la fin de l'année 2022. Alors c'est une mission en fait qui va nécessiter environ 6 mois de d'étalonnage, ce qu'on appelle l'étalonnage, c'est-à-dire en fait on vérifie que les capteurs fonctionnent bien. On va également comparer les mesures de SWOT avec les mesures des missions actuellement en orbite, hein, comme Jason 3. Ou Sentinel 3, et même Sentinel 6 aussi. Et comme ça, on va pouvoir en fait vérifier que cette mesure est bien étalonnée, qu'elle va pouvoir avoir la précision nécessaire. Quelle variété de thématiques scientifiques et d'équipes scientifiques vont être mobilisées pour une telle mission ? Des missions comme la mission SWOT mobilisent énormément de scientifiques, et d'ailleurs dans le monde entier. Hein, ce n'est pas les données vont être ouvertes à la communauté scientifique internationale. Et donc on a de nombreux laboratoires en France, en Europe, à l'international, qui vont travailler sur les données de cette mission. Des laboratoires en océanographie, donc qui vont s'intéresser plutôt à la circulation océanique, à l'énergie dans les océans. Hein, donc ça c'est en plus un thème extrêmement important avec le réchauffement climatique, puisque ça va permettre de voir comment l'océan réagit aussi à l'augmentation de température globale, et puis aussi des laboratoires qui vont s'intéresser à l'hydrologie. Et grâce aux mesures spatiales fournies par une mission comme SWOT, ils vont pouvoir avoir des mesures qu'ils n'avaient pas jusqu'à maintenant, et donc s'intéresser à des bassins versants, à des grands fleuves et des grands lacs, à des estuaires, enfin voilà. Donc il y a tout un tas de thématiques scientifiques assez nouvelles qui vont être traitées par un grand nombre de laboratoires de par le monde entier. Voilà pour les missions, pour l'une des nombreuses missions actuelles du CNES. Une réaction évidemment, Philippe Baptiste, à cette mission SWOT. Ah, c'est à la fois, elle est exemplaire parce que bon bah c'est à la fois une, on l'a dit avant, c'est une expertise française dont on est très très fier, donc et évidemment on attend ça avec beaucoup d'impatience. Mais moi je voudrais rebondir sur un point. Bon, d'abord elle est absolument cruciale pour les scientifiques et en particulier pour les climatos, hein, pour les gens qui font de la clé, les climatologues qui ont besoin de ces données pour affiner leurs modèles, pour mieux comprendre un certain nombre de phénomènes. Et je voudrais insister là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait c'est pas le CNES qui décide comme ça tout seul dans son coin de lancer telle ou telle mission parce que c'est ça qu'on a envie de faire. Ça marche pas du tout comme ça. C'est vraiment nous, on est à l'écoute de la communauté scientifique. Les scientifiques, la plupart des scientifiques en France, ils sont dans les laboratoires du CNRS, du CEA ou dans les universités. Ils se réunissent, ils travaillent, ils réfléchissent entre eux. On les aide à prioriser, mais c'est eux qui définissent quelque part les grandes priorités. Et nous, on les met en musique. Et c'est ça notre rôle aujourd'hui. Et c'est assez remarquable. Et puis derrière, en plus, on voit que c'est une belle collaboration internationale et que derrière, c'est toute la communauté internationale autour du climat qui attend ça. Donc c'est vraiment un très beau projet. Jacques Arnoux, une réaction à ce reportage ? Toujours la fascination face à ce progrès technique durant ces peut-être pas tout à fait 60 ans, mais presque, parce qu'effectivement, comme l'a rappelé Pascal, c'est une vieille histoire depuis Topex-Poséidon, mais ça veut dire qu'avant il y avait déjà eu énormément de préparation, avec là aussi des hommes et des femmes qui ont marqué, ne serait-ce qu'au CNES, tout ce développement, quelques visages en tête, et puis le fait que s'approfondisse cette mission de vision globale du spatial par rapport à la Terre. Topex-Poséidon, comme son nom l'indique, c'était les océans, et déjà c'était une révolution d'avoir plus qu'un maillage des océans. Et on disait, bah oui, la planète bleue, les 70% de cette planète occupée par les océans, et là c'est montré que l'eau est encore ailleurs, et c'est toute cette hydrologie dont parlait Pascal à la fin, et c'est un progrès monumental, parce que, ne pas oublier que l'eau, c'est pas seulement l'eau des océans, ça c'était c'est entre guillemets facile à voir, mais l'eau des fleuves, des estuaires et de manière de plus en plus précise, cette richesse dont nous savons que sa gestion est tellement cruciale, ça montre bien ce que disait Philippe Baptiste, que une agence comme la nôtre est au service d'une communauté scientifique et plus largement de la communauté humaine. Donc à nous d'être conscients de ce dont nous avons besoin et de ce dont nous aurons besoin. Et ça, c'est tout un enjeu. Le CNES fête donc son anniversaire, 60 ans, hein, créé en décembre 1961. Une petite quinzaine d'années plus tard apparaît l'ESA. L'ESA et le CNES, c'est une histoire main dans la main. Le CNES est toujours le premier contributeur financier de l'ESA. Oui. Alors après, la réponse est un peu plus compliquée que ça. C'est-à-dire que ça dépend comment on compte. C'est-à-dire que si on regarde en fait à la dernière conférence ministérielle, l'Allemagne a mis un peu plus d'argent que la France sur la table. Mais comme tout ça se lisse de manière pluriannuelle, si on regarde année après année, à l'instant T, effectivement, la France est toujours le premier contributeur. Le CNES est le premier contributeur au sein de l'ESA. Donc, comment le CNES, est-ce que le CNES a eu plutôt l'effet d'une locomotive, puisque c'était l'une des rares agences spatiales européennes de cette ampleur-là au moment de la création de l'ESA, et quels sont les liens entre le CNES et l'ESA? Est-ce qu'elles sont toujours simples? Est-ce qu'elles sont parfois un peu concurrentielles? Est-ce que l'ESA a phagocyté complètement le CNES, ou est-ce que le CNES garde une singularité au sein de l'ESA? Comment se passent ces relations, Philippe Baptiste? Alors, c'est évidemment, non seulement on fait partie de l'agence, on en est très fier, de l'ESA, et bien entendu on joue la carte européenne. Moi je vous répondrai en donnant par exemple le budget du CNES. Grosso modo, c'est la moitié, il est consacré à des projets ESA, d'accord? Donc c'est de l'argent qu'on met au sein de l'ESA, et c'est l'ESA qui développe ces projets. Et puis on fournit aussi un certain nombre d'instruments qui partent dans des missions ESA. Mais il y a aussi la moitié du budget du CNES qui est consacré à des programmes qui sont des programmes de coopération bilatérale hors ESA. Donc ça veut dire qu'on est vraiment, puisqu'on a des compétences, on a la chance en France avec le CNES d'avoir des compétences techniques qui sont très très fortes au service des projets scientifiques, aussi au service de la défense. Et donc on les utilise énormément pour aller chercher les meilleures collaborations possibles, à la fois au sein de l'Europe, mais aussi à l'extérieur. Et donc on a des collaborations qui sont incroyables. Enfin, par exemple, toutes les missions martiennes de la NASA, le CNES est à bord. C'est vrai aussi avec l'agence japonaise, c'est vrai aussi avec l'agence indienne, c'est vrai aussi avec l'agence chinoise. On a des collaborations bilatérales qui sont très fortes. Donc c'est un peu les deux, j'ai envie de dire. C'est à la fois on a une histoire européenne qui est extrêmement forte, et en même temps on garde un certain nombre de compétences et de collaborations bilatérales. Après, il y a en plus de ces missions scientifiques, il y a l'histoire des lanceurs. Parce que l'histoire des lanceurs, comme on l'a dit au début de ces missions, les lanceurs, ça joue un rôle absolument clé dans l'histoire du spatial. Et évidemment, la France a une histoire toute particulière autour des lanceurs. Parce que, si je prends l'exemple d'Ariane 5, qui est encore notre lanceur aujourd'hui, Ariane 5, l'autorité de conception, c'est le CNES. Donc, on voit bien qu'on joue, même si c'est un lanceur de l'ESA, on a joué pendant très très longtemps une histoire toute particulière. Aujourd'hui, les industriels ont pris une place beaucoup plus importante, l'ESA aussi. Et c'est très bien, mais le CNES reste très mobilisé. Bien entendu, et donc on garde en plus un intérêt français extraordinairement fort pour les lanceurs, pour des questions de dualité qui sont absolument évidentes. Alors si on parle évidemment, comme pour tous les anniversaires, on préfère ne regarder que les bons souvenirs, je me retourne vers vous Jacques Arnoux, si on veut parler un peu des mauvais souvenirs, à quels endroits le CNES s'est cassé les dents? Est-ce qu'il y a des échecs du CNES historiques? Il y en a quelques-uns, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Juste, un prédécesseur de Philippe Baptiste, que je réécoutais récemment, disait il y a eu quasiment que des succès. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de succès, mais l'échec qui vient à la tête de tout le monde, c'est 501, c'est Ariane 5, le premier lanceur d'Ariane 5 qui se termine par un feu d'artifice. C'est un souvenir personnel à mesure où moi je découvrais le CNES à ce moment-là et que j'ai vu autour de moi des gens s'effondrer. Et j'ai à ce moment-là découvert que le CNES était une grande famille dans laquelle chacun se sentait impliqué. Ceux qui pleuraient le plus étaient sans doute ceux qui étaient le plus éloignés en termes d'action sur ce lanceur, mais ils se sentaient quand même impliqués. Et ça, c'est pour moi un témoignage important. Et je crois que c'est toujours le cas aujourd'hui. Évidemment, là, il y a eu des erreurs, une erreur majeure qui a été tout à fait déterminée. Et depuis, j'espère que on ne refera pas ce type d'erreur. Ça montre que le milieu, en particulier des lanceurs, mais plus généralement le milieu du spatial, est un milieu compliqué et un milieu dans lequel, évidemment, on concentre des énergies extrêmes et que là, il ne faut pas se tromper. Il y a eu aussi Je pense à un autre exemple, c'est ce programme Hermès, donc qui est à la fois l'ESA, mais aussi le CNES, et la France était très impliquée dedans, qui pendant... Rappelez-nous ce que c'est, en un mot. Alors, Hermès, donc, c'est un projet de navette spatiale qui devait monter sur Ariane 5, et même alimenter une petite station européenne, spatiale européenne. Donc, on a gardé uniquement le lanceur, avec le succès que vous avez déjà raconté ici. J'ai pendant très longtemps ce programme Hermès, dans lequel il y avait déjà beaucoup d'industriels, et pas des moindres, Dassault et d'autres qui ont eu des projets qui étaient extrêmement poussés, a été à la fois lancé par la France, et enfin entre autres par la France, et puis aussi arrêté au bout de quelques années parce que ça dépassait les capacités, ça dépassait aussi les objectifs. Et pendant longtemps, ce programme, nous n'en avons pas parlé. C'était la chose dont nous aurions dû avoir honte, en quelque sorte. Et je pense qu'il est heureux qu'aujourd'hui, on commence à en reparler. J'ai vu réapparaître la maquette d'Hermès à l'échelle 1 il y a quelques mois, dans un atelier de restauration, de rénovation, parce que nous avons appris des choses et nous ne devons pas avoir peur de ce que nous avons appris qui a déjà servi, qui pourra encore servir, et puis aussi d'apprendre comment nous sommes ici dans la méthode scientifique, on prête aussi la méthode des ingénieurs. Dans la méthode, il y a aussi la capacité de dire à un moment donné, stop. Par rapport aux objectifs, par rapport aux moyens, par rapport aux possibles, là, nous ne pouvons pas aller plus loin. Peut-être un jour reviendrons-nous à cet endroit-là. Et pour moi, ce n'est pas un échec. C'est un programme qui n'a pas abouti. Ça peut arriver. Ça fait partie du jeu, si vous me permettez l'expression. À nous d'en tirer un maximum de leçons, comme nous en avons tiré après Ariane 500. Philippe Baptiste, un mot sur Hermès peut-être, oui. Ou sur, non, mais sur ces occasions ratées, il y en a dans toute compagnie. C'est vrai, ces deux programmes, à la fois 501 et Hermès sont les deux grands traumatismes de la maison, et c'est vrai que 501, même aujourd'hui, quand on en parle, tout le monde il y a une émotion, qui est forte. Et après, je rappelle juste que, évidemment, Ariane 5, le début a été difficile, 501, mais bon. Et puis, on en est maintenant au 100... J'ai perdu le compte, mais voilà. Enfin, Centième. C'est juste un succès industriel aujourd'hui d'une précision, d'une qualité absolument incroyable. On l'a vu sur le James Webb. Si je reviens maintenant un instant sur Hermès et sur ce projet de navette, ça a été arrêté. C'est vrai que ça a été un choc pour tout le monde. C'est surtout que ça a sonné... en tout cas, pour un moment, la fin d'une ambition européenne autour de l'exploration humaine. Et je pense que et après ça a été un choix politique avec plein de très très bonnes raisons, hein, puisque en particulier on s'est dit ça coûte très très cher et finalement on préfère concentrer nos ressources sur des programmes qui sont des programmes soit scientifiques, soit des programmes qui ont un intérêt économique, qui ont développé notre industrie. Et honnêtement, ce qu'on fait avec un budget qui correspond grosso modo à 1/7 du budget américain, l'Europe n'a pas du tout à rougir. On est, je pense, très très bon. L'industrie européenne est juste remarquable. Mais par contre, effectivement, on a un petit peu sacrifié ce volet de l'exploration humaine. Et aujourd'hui, évidemment, à l'heure où on parle tous de la Lune et de pour demain, plutôt pour après-demain de Mars, évidemment, cette question, à mon avis, doit de nouveau se reposer, et c'est vraiment une question d'ambition politique européenne. Alors se pose évidemment la question des mutations du CNES, et notamment de la mutation du secteur spatial. On a beaucoup parlé du New Space ici, on va pas en reparler aujourd'hui parce que nous en avions parlé, Philippe Baptiste, lorsque je vous avais reçu suite à votre nomination à la présidence du CNES, sur le lien entre le CNES et le New Space. On va vous remettre évidemment le lien sur notre fil Twitter. Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé qui est quand même un grand changement et sur lequel j'aimerais peut-être vous entendre, c'est le changement de tutelle du CNES qui a eu lieu en fin d'année dernière, quasiment pour son anniversaire. Le CNES, qui dépendait du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, est passé sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances. Ça a fait grogner assez fort un certain nombre de chercheuses et de chercheurs qui se sont inquiétés de ce changement d'orientation, des mots du ministre de l'Économie parlant de l'aventure spatiale française en disant qu'il fallait que cette aventure abandonne une partie de la science pour se consacrer à générer du profit et du rendement. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui est un changement d'ADN du CNES, en quelque sorte? Alors, si je peux me permettre juste peut-être de reprendre un tout petit peu le propos introductif. Tout d'abord, le CNES a toujours trois tutelles, et il a toujours eu trois tutelles, et qui correspondent finalement à trois missions essentielles de la maison. et qui sont parfois des missions qui sont, sans qu'il y ait de dissensus politique, c'est des missions qui sont de nature un peu différente. Mission autour des questions de défense et d'autonomie stratégique, mission autour de la science, et puis mission autour du développement, de la compétitivité économique et maintenant du New Space. Donc vraiment trois enjeux qui parfois sont convergents, puis qui parfois le sont moins, et où il faut évidemment qu'on arrive à avoir une politique globale autour de tout ça. Alors maintenant, j'ai jamais entendu Bruno Le Maire tenir ses des... je peux vous retrouver je crois qu'il y a pas de sujet. La question autour de la science et du fait que les capacités techniques du CAE sont absolument essentielles pour le pays, aussi bien pour les questions de défense que pour les questions de la recherche scientifique sont très clairement affirmées, à la fois dans le contrat d'objectifs et de performance du CNES, mais aussi ont été affirmées de manière extrêmement claire par le Premier ministre quand il est venu aux 60 ans du CNES justement, et où il a eu des mots qui étaient extrêmement clairs sur le sujet. Bruno Le Maire, si vous voulez, j'ai retrouvé la citation. Durant des décennies, on a considéré que l'espace était uniquement de la recherche, pas forcément appliquée, que cela appartenait uniquement au monde de la science et pas au monde de l'industrie, de la compétitivité et du financement. Je crois que cette erreur-là, nous l'avons payée très cher au cours des dernières années. Non, mais je crois que c'est uniquement qui est important dans ce point-là. C'est-à-dire qu'effectivement, le spatial aujourd'hui, ce n'est pas uniquement ni de la science ni de la défense, c'est aussi toute l'économie qui est en train de se développer à côté. Et maintenant, et évidemment, j'ai bien entendu que ça pouvait de temps en temps interpeller ou inquiéter des collègues scientifiques. Bien entendu. Mais moi, je pense qu'il faut être très très clair. Hein. C'est-à-dire que les budgets qui sont engagés sur les champs scientifiques restent extraordinairement élevés et ne baissent pas du tout. Hein. Je pense qu'on n'a jamais eu autant d'activités en termes de science et d'observation de la Terre que cette année, enfin qu'en ce moment. Donc, je veux être très très clair. C'est quelque part l'effort qui arrive autour du New Space, il ne vient pas au détriment des autres activités. Je crois vraiment que c'est vraiment pas ça. D'ailleurs, l'exemple de France 2030 qui arrive et où 1,5 milliard sera consacré en plus justement sur la, et une grande partie de ces sommes-là seront justement consacrées au développement du New Space. Mais tout ça arrive bien en plus des budgets qui sont des budgets qui existent déjà et qui sont déjà au sein du CNES pour le développement de la science, pour le développement de la technologie et pour le développement de l'observation de la Terre. Donc les astrophysiciennes et les astrophysiciens qui s'inquiétaient de voir le CNES délaisser une partie de ses missions scientifiques au profit de missions commerciales n'ont pas à s'inquiéter, vous les rassurez aujourd'hui? Moi je veux les rassurer pleinement. Bon, mais merci beaucoup en tout cas, merci à tous les deux, merci Jacques Arnoux, merci Philippe Baptiste d'être venu fêter avec nous ces 60 ans du CNES. Vous pouvez relire cette histoire dans le détail puisque nous avons évidemment pas pu tout aborder dans ce petit fascicule qui vient avec quelques très très très belles photos de cette aventure spatiale française à la conquête du cosmos. Jacques Arnoux, c'est aux éditions Flammarion. La méthode scientifique, c'est comme chaque jour Antoine Beauchamp, Mariam Ibrahim, Amel Boucherka, Céline Lozen, Natacha Triou, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Vivian Lecuivre à la réalisation et Dimitri Paz à la technique. Et comme toujours, la méthode scientifique, c'est en podcast sur l'application Radio France, où vous nous écoutez également de plus en plus nombreux sur franceculture.fr, et ce, à tout jamais, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire.